Ghetto Star, Asia, Kaomoro Tox, Armageddon, Cass, Ars, Reti Bonap, ouais. Negro, yes. Wouh, Guerre Montaigne, Emeute, Joe Pop, Seacox, Pap, Faza, Hueso, c'est shit, Emeute, fuck. Juste un motherfucking zest et je te fous le reste. J'ai bougé juste un big bat, on se manifeste dans un écroyau crâne-test. Une véritable peste, quand m'enflamme. Ton t'abaisse vite avant que ça vire au drame. J'ai mon élite, les beats acclament. Mes négros respectent les hits, on prend un truc bat, boum boum. Viens hard, fat beat, toi le clé. Et reste poli, calme, ton bat du genre fait un kill. Ton calme, t'es les calmes avant que chill. J'en ai brûlé, j'pour le drame. Négro, c'est tes propos de bonne femme. C'est ta putain de grande gueule constat. La vie pour pot de gamme. A qui la faute, c'est depuis quand j'rame. A la flamme, ta gueule écoute et saute. Saute, jump alors. Jusqu'à présent, tu me suis, attends. Que charge ton arme et tes larmes essuient. Encore une victime de plus dans l'eau qui va goûter le bitume. Rose, white, low, air mode cross fight sur le régime. Ici, c'est les facettes, champignons, crème ma zone. J'suis dans le rap et ça s'est inscrit sur mes chromosomes. Maintenant, les jeunes, tout est dans le sport et les arts. C'est dans les gènes, l'espoir et après tout, y'a pas de lézard. C'est dans les airs. Que je puisse mon inspiration, puis vient le désir que je puisse y mettre mon aspiration. Je veux être le gars remarqué, si marqué dans Clark, qu'est-ce que l'architecte moi je représente l'architecte. C'est le 22, c'est le nouveau style, bec sous le mic, bye, pas tes orges, pas de paille dans la bœuf. Live boy, on va se marrer, en first sale, et douille éclate. Encore un son, barge pour les tarés et les halls. Je rappe au nom du 6, du 9, 5, 4, ma zone. Et un pack sur mon tchash qui épaule. C'est encore vieillé le bel style, coco, trop de sale à lâcher. Même pas une 7 pour moi, les maisons 10, veulent nous acheter mon place, c'est Mac Brah. Je fais swinguer les squales. Du système chaud, mec, à châter les halles. Ma voix transperce, mes rimes t'égorent. Beat créé par Joe Fat Fort. J'ai nous MC à la base commando. This putain de flow, steal is a lox. On mec, mes victimes t'écalent, j'en place. Une pour Joe pour Paxi Cox. Flay les new MC du rap français. Contre rap pour relancer. Fiche le corps avant d'être blessé. Y'en a flingue, j'manie. Pas de canine, ta mère, je bannis. Si la propagande salit, les sauts salit, on ta face pâlit. Dans le quartier, vu que ça t'en est puni, bien que Vanny, on se la raconte au cani. Tous ce gangster, comme Tony et Manny. Dans ma section, on saisit, forêt pour l'inspection. On friction, ma tessie, force à ta protection. Qu'on la confection du crew, à l'intersection. Les faux souffrent pour une flexion, sans soumission. Les bandits viennent en mission, pas de six, psychose pour la sanction. Je dis que ta fille, quête le sang de la faction. Braille pour mes cailles. La masse qui se fasse. Danser, t'as la boîte, négro. La monnaie score. Charger l'école, t'as beau qu'on se boit. Le sale qui arrache d'espoir. Le beat saigne et le victim spleen. T'as connu le tir, ça vient du siche. Voilà, j'ai la plaine. Danser, t'as la boîte, négro. La monnaie score. Charger l'école, t'as beau qu'on se boit. Le sale qui arrache d'espoir. Le beat saigne et le victim spleen. T'as connu le tir, ça vient du siche. Voilà, j'ai la plaine. Négro, je reviens foutre bouc. Je beat passe, reviens Jacques, on a tout ce qui te plaît. La tech, le flow, la gouache d'air de micro. Bouge ton boule, bitch. Au max, c'est phrase et le danger. Mon putain de groove, number one en playlist sur les ondes. Move, j'suis ma putain c'est clean, ça vient pas trop clean. Négro approuve, ça vient d'un plain man. Tu connais les styles, tu seras pas déçu. Écoute cette boucherie lyrical, son piton s'installe. Pour foutre l'intro chômage, on t'aura prévenu. L'instro manœuvre, mes négro approuve, la rage on est cool. Si tu veux le clash, je te souhaite la bienvenue. Tu joues les pros, on vous convoque. En cas de problème, pro mic et provoque. Un mic, un DJ, putain et c'est reparti. Pourtant après mon freestyle, pour c'est la sortie. Yo, sans instru, même en transgénique. Je bouffe, yo, les trucs, même les transgéniques. Info, une phase, mon flow se fâche, garçon. Même si tu joues les carry, même si tu marches, façon. Dans le rap, mec, j'impose la crise. Faut que l'écart se creuse. Le style, tu sens plein le pif, ferme ta bouche, mec, c'est mort. Faut pas venir seul, tiens le manche, pas de sœur sur beat. Plusieurs chances, tels sont nos mœurs. Smith, à domicile, ex-murf, sniff. Le produit, le flow de mif, pas de cheuse, refaim. Pendant que ça braille, le port sans. Mais nous, on s'en baisse, mec. Guéris mon deck, monte le niveau, shit. Motherfucking, le compte tes rivaux, rien à battre. Si tu relèves la plaque, 9-3-200-X. Mets une ghetto, ça va claquer dans les bacs. C'est les paroles d'MC en Jersey, man. Qui tu veux ramène, ma mine, man. Tu connais la signature, young man. Baby, j'suis super fort, ça mérite bien que pire si mon crew perd fort. Et si avant que la le flow, la classe. Mais ça, trop des gens savent que le crew en place, il casse trop des gens. Ouais, les gens savent, voilà pourquoi j'en dis si peu. Trop d'MC dissipés ici, faudra que ça change d'ici peu. Au max, c'est les facettes. On se présente, on se présente, Mike évoque. Parce que dans notre vie, le Mike est vide, le Mike évoque. Danser, t'as la boîte, négro, la monnaie score. Charger l'école, t'as beau qu'on se boit. Le sale qu'il arrache d'espoir. Le beat saigne et le victim spleen. T'as connu le tir, ça vient du siche. Voilà, j'ai la plaine. Danser, t'as la boîte, négro, la monnaie score. Charger l'école, t'as beau qu'on se boit. Le sale qu'il arrache d'espoir. Le beat saigne et le victim spleen. T'as connu le tir, ça vient du siche. Voilà, j'ai la plaine.